La route. Merci. C'est beau, hein, la fin. Pouf. Mais là, j'ai coupé la fin. Donc, on va essayer de respecter la fin. On y va. Hey, vous pouvez danser, hein, c'est gratos. On y va. La route 66, expliquez aux enfants. La route 66, ben oui. Aux États-Unis, la route 66, ça a fait des belles chansons de jazz, de rock, de punk, de faut que je te joue, t'es trop jaloux, la route 66. Officiellement, cette route-là, ben, c'est une ancienne route américaine qui retraçait Chicago. Où est Chicago? Aux États-Unis? Oui, mais plus précisément, en Iran? Non, en Illinois. T'étais pas loin, il y a un I. Mais c'est pas Irak, c'est Illinois. Donc, je te donne, t'es un étudiant en histoire de l'art, parce que ça coûte cher, ça coûte très cher l'histoire de l'art, hein, c'est des dollars, c'est beaucoup de dollars, et puis, il en faut, puis en plus, tu décortiques quoi? Ben, tu décortiques tout ce qui est artistique, hein, l'art, c'est quand même quelque chose de très abscon. Abscon. Mais souvent. Oh, attendez un peu. Là. Okay. Souvent, parce que le fil a touché à l'oreillette gauche. Donc, vous m'avez entendu plus à droite qu'à gauche. Ça devrait être l'inverse. Parce que je respecte énormément la gauche. Et pas beaucoup la droite. Et donc, la route 66 m'a expliqué un peu. Parce que, là, avant de tomber dans l'or abstrait, l'or brut, l'or ça coûte cher, ben oui, on sait bien, l'or, il n'y a pas juste l'or dans la vie. Il y a la route 66, racontée aux enfants. Alors, on commence avec la petite musique, hein, comme c'est des enfants, il faut mettre de la musique d'enfant. Est-ce que la verbera peut s'arrêter? OK, on y va. Mais faut que je me ferme la bouche pendant 30 secondes. OK, on y va. Ah, ça fonctionne pas. Comment ça, c'est du long terme, ça, là? C'est une petite chanson enfantine. Comment ça, j'ai pas de gazou? C'est bon, allez chercher mon gazou. Est-ce que je peux aller chercher mon gazou, madame, pour raconter la route 66? Pour la rite. Oh, Santalit. Oh. Non, c'est pas ça, mais je vais raconter aux enfants. Ah, on le sait! Va chercher ton gazou, là, puis on revient après. Fâche-toi pas, toi, m'appeler la police, ils vont t'embarquer. Ah, ils m'ont déjà embarqué. J'ai un dossier judiciaire aussi épais que ton aide, mon champion. Bon, OK. Bon, Seigneur. On revient, on va chercher le gazou. Bye. C'est une chanson d'enfant. Hein? C'est une mélodie instrumentale pour enfants. Ouais, c'est des. Ouais, exactement. Ça. Fâchez-vous pas, Madame Tremblay? Ben, pour les petits-enfants, des enfants qui peuvent comprendre de Route 66, là. Bon, on y va. Bonjour, les enfants! Hey! Ouais, c'est vrai qu'à minuit 33, les enfants, il n'y en a pas beaucoup. Mais admettons. Qu'il y en a un qui voudrait manger des tibisuits. Parce qu'il a faim, il a un petit creux, il n'a pas mangé son. Parce qu'il n'aimait pas ça, du poulet avec de la sauce brune. Puis des patacs. Il n'aime pas ça, des patacs, lui. Du poulet, ça. Il en a vu à la télévision. Une bande dessinée qui s'appelait La poulette s'amuse. Puis il ne voulait pas manger la poulette qui s'amusait parce que la poulette le faisait rire. Puis il dit, pourquoi je mangerais quelque chose qui me fait rire? Puis là, la mère, hein, mais écoute, mon petit garçon, c'est de la bande dessinée. La bande dessinée, c'est des voilà. Il pleurait sa mort, mon Dieu, son existence qui était quand même très courte. Mais il avait le droit. Il avait le droit là, de prendre le flambeau, puis de manifester. Puis déjà là, ça faisait peut-être. Ça faisait peut-être partie de sa personnalité et nous aurions pu voir sans doute arriver un deuxième, Michel Chartrand. Mais bon, sa mère, hein, très autoritaire, mon petit garçon, tu vas manger tes patacs, tu vas manger ton poulet, ta petite sauce brune, je te conseille, si tu trouves que les patacs sont trop sèches, parce que j'ai pas mis assez de crème, j'en avais plus, j'ai rajouté un peu de lait, mais j'en avais pas assez pour le lendemain matin, parce que mon café, puis surtout ton lait au chocolat, puis toute l'histoire, là, bon. Et puis là, j'ai rajouté du beurre, histoire de donner plus de goût, puis même pas ça des patacs, ouais, mais tempe ça dans ta sauce. Ta petite sauce brune, tu vas voir, tu vas goûter, surtout tu verras rien, mais oui, c'est en plus c'est une belle couleur. Si tu veux être un peintre plus tard, là, je sais pas ce que tu vas devenir. Peut-être un syndicaliste ou un peintre, ou au pire, un policier, mais tu vas devenir quelque chose d'intéressant, là, un être intéressant, puis que tu vas aider la société. Si t'es policier, peut-être pas, là, mais non, je t'aime bien, non, je t'adore. Non, mais j'ai rien contre les policiers, tu t'en regardes à la télévision, t'aimes ça. J'ai pas de patrouille. Ben oui, pas de patrouille, ah oui, y a-t-il une police, pas de patrouille? Oui, j'ai pas de patrouille. Ok, pas de patrouille, bon. Je connais pas Pat Patrouille, là, parce qu'on m'a demandé la semaine dernière de découper des petits chiens de Pat Patrouille pour un enfant. J'ai dit oui, mais c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Et puis là, moi pour les enfants, je ferais n'importe quoi. Bon, parce qu'ils me font rire de un. Ils sont intègres. Quand t'es pas rigolo, t'es pas rigolo. Il y a des enfants qui m'aiment, puis il y a des enfants qui m'aiment pas. Bon. Mais c'est bien parce que je me dis aussi, quand tu es adulte, il y a des adultes que tu aimes, puis d'autres adultes que tu n'aimes pas. Puis quand tu es enfant, puis tu vois des adultes, il y en a qui t'attirent, d'autres qui t'attirent pas. Tu sais, un gars avec les cheveux longs, puis les lunettes bleutées, puis qui rigole, puis qui a l'air un peu au-dessus de ses affaires, mais pas au-dessus de ses affaires, mais qui a l'air d'un autre monde, ça peut déranger. Au contraire, il y en a d'autres qui disent « Ah, il est sur ma planète! » Ben oui, je suis 100% sur ta planète, mon champion. Tu me racontes là, un peu là, quel est ton univers et je vais rentrer dedans avec un grand plaisir, au même titre que si tu es un peu plus reculé et puis dans l'écriture, et je peux sentir aussi une certaine timidité. Moi, quand j'étais petit, là, j'étais timide, mon petit champion. J'étais pas comme toi, voilà, là. Hein? Puis, si tu deviens aussi agité que ça, ils vont te prescrire de la médication. Puis, chez nous, il n'y en avait pas. En 70, il n'y avait pas de médication. Tu étais tannant, tu allais jouer dehors, tu allais te brûler. On disait ça, hein? Va te brûler, va te brûler. Va te brûler, mon Seigneur. C'est pas bon. Se brûler, calciné. Après, t'es-tu sec. Puis tu t'incinères avant le temps. Tu sais, tu commences déjà enfant à t'incinérer. C'est quand même... En tout cas, c'est un point de vue. Alors, la route 66, on est rendu à la route 66, madame. Pas mal, hein? Vous saviez pas ça? OK, vous connaissez la... la coquine. Oh, parce que Serge Gainsbourg avait écrit 69 années érotiques. Elle pensait que 66, c'était quelque chose de genre de... Oui, c'est vrai, c'est 66 raconté aux enfants. Bonjour les enfants! Bon, non, madame, il n'y a rien à voir là-dedans. Bon, alors, la route 66, et c'est un chemin. Hein? Un chemin, comme tu peux chez toi, là, en dehors, lorsque tu sors à l'extérieur. Mais, ouais, il y a la cour, là, mais, ouais, il y a la pelouse. Ah, puis il y a le petit, le petit Benjo qui court sur la pelouse. Ah, ça, c'est drôle, hein? Et ben, il jappe, c'est certain. C'est parce qu'il veut te sécuriser. Il est là pour te garder. Hey! C'est bon, petit Benjo. Puis surtout, là, tu sais, il faut l'aimer, son petit toutou. Ben oui, parce qu'un toutou, c'est un ami pour la vie. En tout cas, pour sa vie à lui, parce que sa vie est plus courte que la tienne, normalement. Bon, alors, la route 66, ben oui. Non, on n'ira pas plus, okay, on arrête là, normalement. Alors, la route 66, c'est pas au Québec. Ben non, c'est aux États-Unis. Chicago, là, c'est un endroit comme Québec, là, mais c'est dans l'Illinois, OK? Et puis, ça couvre la route 66. Ça veut dire que son chemin commence à Chicago, Illinois, et puis à Santa Monica, Californie. Entre les années 26 et 85, elle était l'endroit où on devait passer pour aller d'un chemin spécifique à un autre. Celle que je t'ai nommée, là. Et puis, sa longueur a beaucoup varié au gré des années. Ben oui, des remaniements se sont tracés. Des remaniements, c'est des changements. Tu sais, quand ça change, là, notamment à partir de 1937. Ben non, t'étais pas né. On est en 2019. En 37, t'étais même pas dans la tête de ta mère. Ta mère était même pas vivante. Ton père non plus. Là, faut demander à ton grand-père, grand-papa. En 37, as-tu déjà visité la route 66, puisqu'elle a cessé de servir la ville de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, la longueur communiquant... il faut savoir qu'ils ont coupé des liens. Parce que ça coûtait cher, là, entretenir ça. Non, il tombait pas... Non, ben, il n'y avait pas de neige, là, à l'époque. Ben, encore aujourd'hui, pas à l'époque. Quoi. Depuis le temps des cerises, comme chantait Juliette Bébeau, la belle Juliette Bébeau, là. Quand nous chanterons le temps des cerises et gay rossignols et merle moqueur seront tous en fête. Non, mais il y avait peut-être des rossignols sur la route 66. Moi, oui, il y avait des pic-bois, des rossignols. Il y avait aussi des petits pit-pit. Moi, j'aime ça, des petits pit. Mais on appelle ça au Québec des moineaux. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec le tennis, c'est le badminton, le moineau, parce que je mets les sports, moi, tennis, badminton, parce qu'il y a une raquette. Besoin de travailler rien que pour... pour vivre sur terre, d'aimer et d'être aimé, de prendre et de donner. J'ai besoin de rêver et aussi de penser à celle qui me fait tant aimer. Quoi que j'ai pas parlé de babouche, de babiche. De babouche, c'est une autre affaire, mais de babiche. Qu'est-ce qu'une babiche? Ah! C'est une peau de vache. Ça, c'est mes amis amérindiens. Pour être plus précis, là, dans... parce que, tu sais, amérindiens, ça couvre beaucoup d'Indiens, là. C'est les Iroquois. Deux amis iroquoises qui m'ont expliqué comment on faisait la babiche. Mais comment on traitait la babiche? Imaginez-vous, puis ça c'est vrai, là. Quand vous achetez, puis là il y en a de moins en moins, il y a deux endroits où vous pouvez vous acheter des raquettes à la babiche traditionnelle. On mâche le cuir avec les dents, avec la bouche, on mâche le cuir pour le rendre plus flexible. Mais là, le prix est faramineux, mais c'est normal. Je sais pas combien de personnes qui travaillent à mâcher le cuir, mais imaginez-vous aujourd'hui, Emploi Québec. On demande à des gens de mâcher du cuir. Et là, le syndicat va embarquer là-dedans. C'est impossible. Ils vont s'empoisonner avec les années. Puis, je connais une dame qui mâche encore la babiche. Elle a 97 ans. Là, vous vous dites, il lui reste 8 ans. Mais ça lui prend un an à faire une raquette au complet. Mais au moins, elle les fait. Puis, avec l'expérience qu'elle a, on parle pour quand dans la vie, on oublie la route 66, puis on oublie les enfants. Salut les enfants, bonne nuit! Mais avec la babiche, moi j'élimine ça, moi, des hein? Bon, c'est comme ça. Mais quand t'as une professionnelle qui, depuis autant de temps, mange la babiche, t'es-tu heureux d'avoir deux raquettes de cette dame-là? Ça devient préhistorique! C'est introuvable après. Tu les essaies. La suspension après ça, ça a été mâché par 6, 7, 8 dents encore vivantes. Un peu carrier sans doute vers la fin. Mais c'est des dames, là. Un peu comme les femmes qui tissent. Oh! En parlant de tisser, puis de travail aussi artisanal que ça. Hier, je suis allé au restaurant où on fait des hamburgers, mais pas dans... Non, pas des hamburgers. Non, c'est pas l'entreprise de clown, là. La moulée de clown, j'en mange pas, même. Mais c'est un ours, bon. Ouais, ça, c'est la panthère rose, ça n'a rien à voir. Mais c'est... en tout cas. Et puis, donc, je m'en vais là... Ils ont changé la structure. On voit les cuisiniers préparer la bouffe. Moi, j'étais en dehors des heures là, d'achalandage. Donc, c'était tranquille. Il était 2h30, 14h30. Parce que j'ai dit 14h. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2h. Je me suis fait sans doute endoctriner par le peuple. Mais ça n'a pas duré longtemps quand même. Je suis revenu à mon chemin. Moi, ça va. C'est vrai, je préfère dire 13h30 que dire 1h30. On va se rencontrer à 1h30 pour une rencontre. Puis elle pense à 1h30 du matin, là, tu sais. Puis là, tu arrives là à 1h30 de l'après-midi, qui est 13h30. Elle n'est pas là. Tu l'appelles, tu lui dis, hey, je t'ai dit 13h30, puis je suis avec mon équipement. Ben, dis-moi, mais je pensais que c'était 1h30, moi, là. Ben, oui, mais 13h30, 1h30. Ah, mais j'étais là à 1h30 de la nuit. Ben, hey, voyons. Donc, il fallait me demander, là, à 1h30 de la nuit, qui veut rencontrer des... Normalement, on est dans notre intimité, puis on est en train de discuter, de parler, ou on relaxe, mais on n'est pas... En tout cas. Et puis, donc, je voyais le gars qui préparait mon hamburger. Mais en fait, 3 hamburgers à la fois. Oh! Je me suis rapidement rendu compte que c'était pas facile comme travail. C'est très, très routinier. Il n'y a pas beaucoup de valorisation là-dedans. Tu mets la boulette descend dans le truc. Parce que c'est déjà pré-cuit, donc ça réchauffe la boulette. Mets ça dans le pain. Il y a la mayonnaise, la moutarde, en tout cas, ce que tu demandes ou tu ne demandes pas. Si c'est traditionnel, ils vont faire le temps. Les 3 concombres sont là, puis on met ça là, dans le sac. Hey, je me dis, ce gars-là fait ça pendant 8 heures. Il souriait pas, il avait l'air à s'emmerder royalement. Alors, je lui lève mon chapeau. Puis, je veux juste lui dire qu'il était bon, ton hamburger. Hey, mais, à Madame Métuco et Monsieur Ringer, je veux juste dire que je dis souvent hamburger, mais depuis quelques années, on dit plus ça, hamburger. On dit un burger. Le ham n'existe plus. Donc, alors, bonhomme, merci pour ton burger. Il était incroyable. Ben, excuse-moi. Incroyable, là. Je veux revisiter mon incroyable. C'était selon les normes que l'on t'avait appris à faire le burger. Donc, la boulette était chaude et puis la mayo était adéquate. Puis tu étais, à mon avis, une bonne machine à faire des burgers. Bravo l'artiste. majorité de la matière vivante sur cette planète. On ne sait plus où se mettre, nous autres de la France. Une fois de plus, on fait ce qui nous arrange. Il fallait qu'on vous le dise, c'est dit, c'est fait. Si nous passions maintenant à toute autre chose, soyons plus positifs. Rien ne sert d'être trop triste, au contraire. Bien au contraire. Quand selon les us et coutumes, les cloches se mettent à sonner, chacun procède à sa manière pour faire son vin ou ses enfants. Mais c'est une toute autre affaire de réussir un enterrement. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Il faut savoir devant l'église battre en retraite prudemment, en direction de Marie-Louise qui vous démarre au petit blanc. Voilà Pierrot et l'oncle Eugène, la casquette comme étendard. Le petit blanc devient douzaine avec Léon, Jules et Gaspard. Alléluia, alléluia. Pour peu que le De Profundis arrive un quart d'heure en retard, on est au huitième pastis à la sortie du Corbillard. Et sur la route chaotique, comme il n'est pas loin de midi, on se sent bientôt la dent creuse, la mort vous met en appétit. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Les saucisses font la vue d'œil, les langues claquent avec entrain. Souviens-toi du bois, du cercueil, du frère, de la tante au cousin. Souviens-toi des temps mémorables qu'on n'a jamais pu égaler, où l'on reste à trois jours à table à cause de trois macabées. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Mais dans ce monde de misère, le bonheur est vite enterré. Il faut regagner sa chaumière, retrouver sa femme atterrée, en voyant l'état du costume et du bonhomme et des souliers. À la maison, comme de coutume, les cloches se mettent à voler. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Je t'en fous, toi, moi, des alléluia, sac à vin. alcoolique. Et à partir de demain, tu m'as compris, fini les petits tours au cimetière. Privé d'enterrement, tu seras. Allez, au lit. Change my name, the one I'm using now. It's covered up with fear and filth and cowardice and shame. Yeah, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. That I loved you in this body, I meant it as a kind of trial. You can use it for a weapon, or to make some woman smile. Then let me start again, I cried, please let me start again. I want a face that's fair, this time I want a spirit that is calm. Lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. I never left your side, he said I never walked away. It was you who built the temple, it was you who covered up my face. Come back to me. And may the spirit of this song, may it rise up pure and free. May it be a shield for each of you, a shield against your enemy. Change my name, the one I'm using. using now, it's covered up with fear and filth and cowardice. Regardez les gens trop forts, ranimez les âmes des morts. Alléluia, alléluia. Avec des signes bizarres et tellement peu d'efforts. Alléluia, alléluia. Lire entre les lignes du théorème de Pythagore. Casa corazón nunca está perdida. Y si quieres la vida, hay que matar la muerte. Nos oublis volontaires, l'avenir du passé sont nos ennemis. Si quieres el ayer, hay que mirar en mí. Aleluya. Tes mains peignent un coquelicot, si solide par grand vent. Aleluya. Prends la mer à son tempo et navigue vers l'avant. Alléluia, alléluia. Tout droit sur cet horizon de hasard et d'illusion. Alors, alléluia. La casa corazón nunca está perdida. Eres la vida, hay que matar la muerte. Nos oublis volontaires, l'avenir du passé sont nos ennemis. Si quieres el ayer, hay que mirar en mí. Alléluia. Les espions de l'âme sont aveugles. Ça rend fou s'ils n'ont même plus le temps de se pencher sur toi. C'est le vent du hasard qui efface leur pas. Virgile dans l'Énéide racontait en riant. Alléluia, alléluia. L'amour indélébile d'un prince ensorcelant. Alléluia, alléluia. Le temps remonte le Nil. Le temps est un diamant. Alors, alléluia, alléluia, alléluia. La casa corazón nunca está perdida. Y si quieres la vida, hay que matar la muerte. La casa corazón nunca está perdida. Que mata la muerte. La casa corazón nunca está perdida. Si quieres el ayer, hay que mirar en ti. Aujourd'hui, le excusez. Aujourd'hui, le lundi 6 mai 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'auteur, compositrice et interprète Élodie, la douce Élodie. Même sur des pointes, comment dire, de gospel, la musique de l'âme, de l'esprit, Élodie Kimmel nous propose son univers en deux épisodes. Alors la première a lieu maintenant. Bonne écoute, bonne émission. Une chose immense qui me détache des choses matérielles. Dans un drap sombre, mes pensées s'éclairent et volent enfin pour se défaire, se défaire. Brillante, c'était hier. Aujourd'hui, dans mon lourd noir, son écho vibre en ma poitrine. Mes yeux aveugles se calment. Je vis à l'abri du silence. Je vis à l'abri du silence. Qui a dit oui, qui a dit non, et quand sais-je moi-même, il n'y a que parcelle de vérité, éclatée de tous côtés, tombée de l'amphore brisée, changeant de reflet chaque fois qu'on les regarde. Qui a dit oui? Dit non, et qu'en sais-je moi-même? Je vis à l'abri du silence. Je vis à l'abri du silence. Je vis à l'abri. Son tam-tam de ton cœur lourd. Je danse en moi, je danse en toi. Les doudous Oui, mais tu sais qu'à une certaine époque, dans les années 80, là, t'es peut-être trop jeune, on appelait ça des tôles. Ou des drôles, tu sais, les petits bonhommes avec des cheveux. Oui, mais c'est ça, c'est exactement des trolls, ça, Des trolls, ouais. Alors sinon, Élodie, comment ça va? Ben, ça va très bien. Mais tu aurais pu t'appeler Mélodie aussi. J'aurais pu, on m'appelle comme ça régulièrement. Ah oui? On me rajoute un petit M par là. Quoi, c'est un lapsus ou c'est... Ça dépend, parfois c'est un parti pris, parfois il y a des gens qui disent ça par... Gentillesse? Peut-être. Puisque tu chantes, Mélodie. Ouais, peut-être, Tu vas commencer... Là, il y a quelque chose qui est un peu étrange lorsque j'ai fait mes premiers renseignements. Oui. J'ai lu que tu étais d'ici, de la ville de Paris. Oui. Mais tu as formé un groupe qui était à l'extérieur de Paris, non? En fait, là, j'habite dans le Val-d'Oise actuellement, donc c'est vraiment Paris. Hein, mais c'est l'Île-de-France. OK. Mon groupe, il a toujours été dans le Val-d'Oise. Ah, c'est ça. En revanche, je me suis baladée. C'est ça? Saint-Denis? Oui, entre autres, il y a un de mes musiciens qui vient de Saint-Denis. Moi, je suis val-d'oisienne. OK. C'est mon batteur qui est de Saint-Denis. Et c'est, en fait, toi, tu t'associes à ton groupe et non pas comme une chanteuse singulière? Si. Oui. Alors, je suis chanteuse singulière. En tout cas, c'est mon nom, ce sont mes compositions, c'est mon projet. Okay. C'est moi qui le porte. En revanche, je suis fidèle, j'aime travailler avec des personnes avec lesquelles j'apprécie travailler d'une part et puis avec lesquelles je peux approfondir le travail. Et qui apportent aussi leur personnalité. Et donc, en effet, j'oserais pas dire, je crois que c'est Saint-Dionysien ou un truc comme ça quand on vient de Saint-Denis, mais bon, bref. Cédric Affre, oui, c'est quelqu'un qui est là depuis le début. Okay. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours été très important pour la couleur finale des chansons. La facture sonore. Ouais. Bah, il ajoute sa patte. Mais en plus, ça fait un œil extérieur, donc toi qui es proche de ton œuvre, proche de ton écriture, parce que tu écris, donc ça fait quelqu'un qui peut un peu plus critiquer que les autres. Ouais. Puis comme il fait partie d'un groupe, vous êtes combien dans ce groupe-là? En fait, sur scène, on est trois. Okay. C'est assez minimaliste, intimiste en tout cas. C'est beau, hein? Ce sont les trolls. Oui. Les trolls qui viennent nous rendre visite du Canada. En fait, c'est pour le vent, pour empêcher que le... On va mettre ça comme ça. Oui, voilà. Avec une petite limonade pour les trolls, une chacun. Un petit peu de fraîcheur ne fera pas de mal. Merci. Merci beaucoup. Et donc, ouais, ça intéresse beaucoup. C'est clair. Puis c'est discret. C'est discret. C'est mieux qu'un pot de fleurs, tu vois. Oui, exactement. En parlant de pot de fleurs, je suis allé voir Mélodie Gardot. Et en sortant, elle offre des roses. Une rose à chaque personne à l'Olympia. C'était merveilleux. La classe. Ah, là, oui. La totale classe. Mais elle revient de très loin. Oui. Ouais. C'est très beau, cette histoire. Oui, mais c'est sublime. Sublime. Oui. L'amour l'a rendu aussi aussi forte que ça. C'est l'amour du public, ça l'a transcendé. C'est plus fort que la maladie, c'est lui. C'est magnifique. Alors, toi, t'es originaire de Saint-Denis. Tu as commencé à vouloir t'impliquer dans la chanson à quel moment? Lors de tes études? Alors, je me permets de corriger, je suis vraiment originaire de Paris. Ok, de Paris, hein, okay. Ouais. Okay. Et puis, qu'est-ce quel arrondissement? 17. Oh, ok. Ah. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que je me suis impliquée? Depuis toujours, je crois que je suis quelqu'un qui a une espèce de vie intérieure très importante, qui adore les histoires, qui adore tout ce qui touche à l'imaginaire. Et puis en fait, mon frère fait partie d'une maîtrise de petits chanteurs. Donc c'était plutôt du classique, musique classique. En fait, je suis tombée in love avec les voix mises ensemble, avec le cœur, quoi. En allant voir un concert que mon frère chantait avec tous les autres petits chanteurs. Et de là, besoin de chanter. Okay. Besoin de chanter pour chanter pour, Je sais pas, ça, c'est assez difficile de savoir, mais c'est un besoin très très très très fort, très urgent. Et donc je suis entrée dans cette même maîtrise de petits chanteurs, j'ai dû changer d'école pour ça, etc. À et je me suis au collège, donc, okay. Je sais pas, ça fait du 10 ans, 11 ans. Et c'était plus important que le reste. Quoi. Là, tous mes amis de l'époque peuvent le dire. Je ratais des récrés, je ratais des trucs s'il fallait. Pour aller pratiquer. Ouais. Sans doute, sans aucun doute. Mais à quel moment tu as voulu t'impliquer davantage et commencer à prendre la plume et le crayon? Alors la plume et le crayon, c'était en fait quand je suis partie de Paris. En fait, mes parents, toute la famille a déménagé pour suivre les parents qui avaient un changement de travail, quoi. Okay. Et je me suis retrouvée à Lyon. Et en fait, à Lyon, je devais avoir 16-17 ans et mes amis me manquaient. Et des choses se sont passées dans la vie qui étaient pour certaines dramatiques, pas toutes. Et il y a eu un besoin comme ça de parler de ça. Et vraiment, les chansons, autant quand j'étais petite, c'était des histoires, raconter des histoires, inventer des histoires, autant là, vraiment, ça a commencé à prendre la forme de chansons. Ça devenait poésie ou ça devenait plus nouvelle? Quand j'écrivais, ouais, oui. Ouais. C'était plus des contes. J'étais très très fan de contes. Et puis, les textes plus poétiques, bah, déjà adolescente, j'y touchais, etc. Et puis, bah, les chansons, ça a fait qu'il y a tout qui s'imbriquait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Et donc, c'est à partir de là que tu t'es mis à écrire, que tu as eu le plaisir des mots, le plaisir d'être seul avec la page blanche et de vouloir raconter. Ouais, tout à fait. Ben, c'était une manière de... En fait, c'est toujours trouvé que quand, quelles que soient les belles choses et les choses dures qui peuvent arriver, de faire une chanson, déjà, ça permet de la regarder de l'extérieur, cette chose-là, et d'en faire... Une pièce quand on est en disque d'orfèvrerie, enfin d'en faire quelque chose de beau et d'esthétique et donc un peu de transcender en fait ces émotions et ces événements là quoi. Donc c'était ça. Et toi, okay. Lorsque tu écris, est-ce que tu entends la mélodie ou c'est les mots qui sonnent à travers les mots? Ça et dépend. C'est ton groupe qui trace beaucoup plus la mélodie que toi. Est-ce que c'est toi qui... Je fais tout. Ouais, tu fais tout. Je fais tout et ça dépend, en fait, vraiment, ça dépend ça dépend de l'histoire de la chanson, quoi. Oh, magnifique. Merci. Ils vont tout manger avant nous, on va se dépêcher. Merci. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Oui, donc ça dépend vraiment de l'histoire de la chanson. Il y en a qui commencent... En fait, il y a des chansons qui ont été écrites comme des poèmes, en espérant que le texte puisse se tenir tout seul. Et en faisant une chanson, je dois remanier le texte et y retoucher. Et parfois, j'ai vraiment la version chanson et la version poème qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et je trouve ça d'ailleurs assez amusant de voir ce qui reste. Ouais, voilà, etc. Et puis, il y a aussi des chansons où c'est un riff, quoi. C'est le refrain, c'est quelque chose qui vient avec des mots et je sais que c'est la cellule souche et qu'il va se passer quelque chose autour. Parfois c'est une mélodie et je sais que c'est lié à une émotion et qu'il va venir quelque chose. Enfin, il y a pas mal de il y a plusieurs avenues pour en faire une chanson. Ouais. Mais as-tu une recette préférée, as-tu une façon de faire préférée? De retrouver avec des mots déjà là et de composer une musique, c'est plus facile pour toi ou cet ensemble-là te va très bien? Alors déjà, cette question, d'un coup, je suis bourrée de doutes, je l'ai nommée, attends, okay. Je sais pas et tout. Ouais. Et en fait, je me dis, moi, le truc qui fait que je vais aller dans une chanson, c'est que je sens que ça touche juste en moi, que ça touche hyper juste en moi. Ça vibre. Voilà, quelle que soit l'attaque, si ça touche juste, alors je sais que je vais pouvoir en faire, que ça va prendre forme. Si je sens que ça devient trop cérébral, je dois laisser tomber. Il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Et ça peut être modifié, tu peux retoucher les mots plus tard, mais ouais. Si tu vas placer ça dans un tiroir. Ça dépend. Il y en a qui restent en stand-by, il y en a que peut-être disparaîtront, il y en a qui viennent où je sens que ça peut venir plus tard. Pareil, ça va vraiment dépendre des chansons. Et ton inspiration vient de toi-même ou de ce qui se passe? Réflexion. Ça part quand même de ma subjectivité, clairement. Donc ça, c'est sûr. C'est mon regard sûr. Déjà, ça c'est certain. Parfois, je pense justement à comment Brel a été capable. Ça m'impressionne beaucoup. Et en fait, j'en ai peut-être une ou deux écrites, mais que j'ai pas sorties officiellement ou pas encore enregistrées. Mais je trouve ça très très beau parce que j'ai donc compris que Brel, il faisait des dessins, des esquisses de scènes. Par exemple, Madeleine. Ouais. Si j'ai bien compris, il a vraiment fait un croquis de la scène. Ah, c'est un dessinateur aussi. C'est-à-dire qu'il a dessiné sa scène et tellement fort qu'elle est devenue et qu'il a pu en faire une chanson. les choses et ton cœur qui bat, ta pensée court, s'irrite, elle avance trop vite. Oh, contre toi même. Sur la plage, alors que le soleil baigne une dernière fois tes membres somnolent, regarde les choix, goûte l'exquise mollesse de tes doigts. Sur ton bras, c'est la plaine de blé dont tu rêvais hier, au pinceau de brise balayé. Laisse les chevaux sauvages s'abreuver sur la plage, alors que le soleil baigne une dernière fois ton ventre détendu. C'est le désert profond, la vallée des possibles, l'horizon de tes songes. Laisse les chevaux sauvage s'abreuver sur la plage, alors que le soleil baigne une dernière fois tes pieds humides. Écoute la fleur qui se déploie à l'ombre de ta paresse. Ce qui fait qu'il n'écrit pas. Il écrit pas Est-ce que tu l'as vu, la Madeleine en question? non, j'ai pas vu. Non, j'ai entendu. Ouais, tout à fait. Mais c'était une interview, je sais plus si c'était un documentaire ou une interview. Mais, à la radio? Je sais plus. Mais j'avais trouvé génial. Aussi, oui. J'avais trouvé génial et je me suis dit, ça c'est un truc que je fais pas encore ou que je fais peu. Ce truc de vraiment. C'est comme si on écrivait un petit livret en fait, hein, une petite pièce de théâtre et on en fait paf une chanson qui pour le coup n'a rien à voir avec l'histoire de. Avec le dessin que tu mets au monde, quelqu'un, c'est bien que c'est ça qui est extraordinaire en faisant le dessin. La chanson existe et là, il est très là sur le papier. Ouais. C'est vraiment. Ouais. C'est dommage qu'ils aient pas publié les dessins de Brel, mais en tout cas. Ouais. Toi, c'est un travail d'acharnement à écrire ou si c'est un plaisir, c'est un vacuum? La plupart du temps, c'est une espèce de plongée, pas en apnée. J'ai les bonbonnes de gaz. Ok, oui, tu respires bien. Et je sais que j'ai le temps. En fait, pour moi, c'est le facteur premier, c'est de me dire que j'ai pas de stress de temps. Et là, je plonge. Il n'y a pas de tombée. Il n'y a pas une journée où tu dois dire le genre disque, donc j'ai une chanson à faire. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et il peut y avoir un truc bien qui sort de ça, ou pas. Donc ça aussi, c'est possible. Mais quand j'ai pas d'obligation ou de deadline. ça se transforme vraiment comme une plongée où là je me sens, si je me sens en plongée, je me sens bien et ça se fait plutôt sereinement. Évidemment, il y a des moments où ça bloque, des moments où je dois prendre du recul, mais c'est quand même très... Ça cool, quoi. Est-ce que tu contrôles bien les mots ou tu les laisses s'agir? Non, je veux pas les contrôler. Tu contrôles pas? Enfin, pareil, c'est pas... Il y a le moment où... Parce que j'ai des chansons où ça rime, des chansons où ça rime pas. Et les chansons où ça rime, bon, il y a quand même un contrôle des mots dans le sens où ben, la rime, c'est pas non plus... Ouais, donc là, il y a quand même un travail sur le mot. Les chansons, ça rime pas. Bah, c'est souvent les chansons les plus souvent écrites comme des textes qui peuvent se tenir tout seuls, les fameux que je peux trouver SNL, ensuite. Ouais. Donc la plupart du temps, là dans ces cas-là, je veux pas analyser. Tu le fais après ou tu le fais jamais? Il y en a, je veux même pas savoir. Il y a des chansons, je me dis mais... Alors tu es en transe lorsque tu écris souvent? Pardon? Tu es en transe lorsque tu écris? Là je suis dans un état, alors je sais pas si je dirais transe, mais en tout cas je suis dans un état différent. C'est pas toi, c'est toi, mais c'est non, pas non, c'est toi, pas moi, il faut pas que ce soit moi, ça ferait chier tout le monde et moi la première. Ouais, mais est-ce que c'est les mots qui amènent les idées? Non, c'est l'état. Pour moi, c'est le fameux ancrage qui semble être juste et c'est ça. Mais comment tu fais pour entrer dans cet état là? Bah c'est un besoin, je pense, déjà. Et puis ça peut arriver dans une journée, ça peut arriver souvent ce sont des c'est en fait c'est comme mais je pense qu'on a tous c'est un côté hypnotique. C'est-à-dire que quand on est dans une journée, puis d'un coup on a des flashs, quoi. Ah, ouais. Et quand il y a le flash, souvent, c'est paf, ça fait une connexion. Il y a un truc qui rentre en connexion. Ouais. Et de là peut partir quelque chose. Et pour toi, est-ce que tu travailles beaucoup ton texte? En tout cas, j'ai beaucoup d'humilité face aux mots, okay, de la littérature. Et alors là, vraiment, c'est mon jugement perso, en tout cas, dans mes textes, j'aime bien quand il y a la place pour quelqu'un d'autre de s'amuser entre les mots. J'aime bien quand les mots ne sont pas trop explicatifs. Okay. On n'est pas trop dans le très très précis. J'aime bien laisser de la métaphore, des mots qui... Des ouvertures. Ouais, ouais. Comme Alain Bachon faisait avec Jean-Paul, des ouvertures, ouais, à travers les textes, à travers... Ouais. Dépendant de l'âge que tu sois, de l'évolution de ta vie, tu vas comprendre autre chose si tu, ouais, réécoutes 2 ans après, 10 ans après. Ouais. Et toi, en relisant tes textes, est-ce qu'il y en a encore qui te surprennent? Est-ce que tu te relis à un moment donné où tu réécoutes tes chansons, est-ce que ça te surprend? Est-ce qu'il y a des chansons qui te surprennent? Je trouve ça pas facile de réécouter mes chansons déjà. Okay. Ouais, déjà ça c'est une chose. Donc en tout cas, quand je les chante, je trouve ça drôle parce qu'en fait je me rends compte qu'elles ont leur vie. Donc ça c'est très étrange. Et c'est drôle parce que je trouve qu'une chanson a sa propre énergie, ce qui est finalement logique, et qu'elle attire à elle cette énergie-là. Et donc il y a des chansons qui créent des synergies avec ou des gens ou des situations. Et voilà, et puis ça m'appartient pas et c'est assez marrant. Alors il y a un moment donné où la chanson est écrite, la musique est là. Et tu la lances, donc tu n'as plus de maîtrise. Une fois que la chanson est faite, elle est indiquée ou elle est proposée. Est-ce que tu les prépares sur scène avant de les indiquer ou si tu... Non. Ah non, tu les fais avant en studio puis après ça? Ben, jusqu'à maintenant, ouais. Alors après, je serais assez intéressée de faire ça autrement. Enfin, voilà, je pense qu'il y a encore plein de possibilités. Et je suis très, très curieuse de nature, donc j'aime beaucoup essayer des trucs que j'ai jamais essayé avant, donc c'est pas impossible que d'essayer dans l'autre sens, mais jusqu'à maintenant c'était d'abord le studio et ensuite la scène, mais c'est pas sûr que ce soit obligatoirement ce chemin là pour... Est-ce que c'est un studio maison ou si c'est un studio que tu loues pour... La première fois que j'ai enregistré en studio, je suis allée en Bretagne au studio du Faune, près de la forêt de Brocéliande. Ok. C'est très cool, c'est un très bel endroit. Et puis récemment, là, je suis rentrée en studio et j'ai fait avec le studio Diken, okay. En collaboration avec le studio Diken, en fait, près de Paris. À quel moment, lorsque tu as un disque, tu dis « Ok, c'est fini, on l'arrête là, ça va faire une chanson » Parce qu'Albin de la Simone, il dit « Moi, là, je pourrais travailler sur une chanson pendant 2 ans, 3 ans, rajouter des violons, enlever des synthés. Ouais. » Et il dit « Il y a un jour, il y a un moment donné où tu dois dire « J'arrête, il faut que je sorte cet album. » Ouais. Alors, as-tu une facilité à te dire « Ok, c'est fait, c'est en boîte. » Ouais. Bah, c'est… comment dire… Ouais, c'est le moment où, en fait, on sent en équipe et même seul ce moment où le fameux less is more et le fameux le mieux est l'ennemi du bien. Ça veut pas dire que c'est bien, mais ça veut dire que de vouloir toujours rajouter un petit truc ou enlever un petit truc, c'est une manière d'éviter. D'éviter de le finir, d'éviter de pas la sortir. Et puis que de toute façon ce sera imparfait comme toute chose humaine. Donc à un moment donné, il faut juste se dire, bon bah là je sens que ça. Si je continue, je sens que ça va partir dans ce truc qui finalement va pas forcément réussir aux œuvres. Quoi. Est-ce que tu sens une certaine évolution avec les années où tu poursuis à peu près le même style, les mêmes structures. Je pense qu'il y a une évolution. Déjà, de ma première expérience en studio à celle-là, il y a eu quand même une évolution. Je pense qu'on reconnaît une patte. Ça, c'est aux autres d'en juger. Mais j'ai cru l'entendre plusieurs fois, donc je pense qu'il y a, une patte, quoi. Mais pareil, curiosité oblige. J'aurais envie d'essayer des arrangements avec d'autres instruments. Il y aura toujours, je pense, la prédominance quoi, de ma propre voix. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, sur mes enregistrements, c'est ma voix lead, quoi, la voix du texte, mais aussi des voix harmoniques à l'arrière. Et donc ça, je pense que c'est aussi une signature d'arrangement. Et que j'y tiens pas mal, ça fait aussi partie de mon histoire et de ma manière d'écrire. Mais une collaboration avec un artiste, avec un arrangement complètement différent, etc., je serais super curieuse, super intéressée, particulièrement si l'artiste est quelqu'un dont j'admire le travail, et puis qui est très différent de moi, mais que je kiffe. Quoi, donc, Est-ce que tu as eu des demandes quelquefois? Est-ce qu'il y a des chanteurs, des chanteuses qui t'ont demandé d'écrire pour eux? Pas encore. Okay. J'ai envie de dire pas encore. Okay. En tout cas, j'aimerais beaucoup et voilà. J'aimerais prier en moi. J'aimerais prier en moi. de nature qui peinent à se connaître. J'aimerais prier en moi pour l'enfant de nature condamné à devenir adulte trop tôt. J'aimerais prier en moi. En lui vit que cet enfant-là ne meurt jamais, qu'il pourra toujours un jour le rencontrer, que l'enfant est sauvage, il sait ce qu'il lui faut. Errance rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. étoile, l'immuable, éternelle prouesse. Ah, ah, quand reviendra l'été, ah, ah, dans l'écho du printemps, ah, ah, quand reviendra l'été, ah, ah, dans l'écho du printemps, ah, ah, à travers tes chansons, lorsque tu les montes, quand tu les présentes sur scène, tu veux raconter à quel moment tu vas écrire, dans quelle situation où tu enchaînes les chansons une à la suite de l'autre? Ben, ça pareil, c'est un sujet qui est en mouvement là pour le coup, parce que j'y réfléchis. Je trouve que la, voilà, tout, les moments de parole sur scène, c'est des moments qui sont... qui sont intéressants, qui sont précieux et qu'il faut soigner. Et à préparer même? Ah oui, oui, complètement. Ok. Je peux pas improviser. Après, ça dépend des individus, des caractères et tout ça. Moi, je suis un peu entre deux, mais j'ai envie de peaufiner. J'ai pas mal d'idées, mais j'ai rien défini. Et comme là, les prochaines dates sont à la rentrée, je me laisse un peu réfléchir à ça. J'avais presque envie de faire des citations aussi, okay. Des citations d'auteurs pour certaines chansons, pour que en fait, ça donne une respiration différente, ouais. En fait, et que ça fasse une espèce d'effet de miroir. Donc... C'est en réflexion actuellement, okay. Ouais. Mais tu as eu cette réflexion-là à quel moment? À force de monter sur scène, tu t'es dit, c'est bien beau enchaîner les chansons, mais il faudrait peut-être mettre... Ouais, et puis justement, j'ai pu écrire, parfois un peu trop explicatif justement, je trouve que c'est pareil. C'est-à-dire que c'est bien pareil, certes, de donner des éléments, mais voilà, de ne pas partir trop dans l'explicatif à mon goût. Et puis l'improvisation, ça a du bon, mais comme toute improvisation, il y a des trucs à prendre, des trucs à acheter. Il y a des gens qui sont particulièrement doués pour ça. Je ne pense pas être l'improvisatrice en concert la plus dingue qui soit. Est-ce que sur scène, tu es souvent partante pour l'improvisation musicale, ou si tu veux que ce soit vraiment séculier? Alors, j'adore. Pareil, ce côté curieux. Allez, on y va, on voit ce qui se passe. Non, mais j'aime beaucoup. Mes chansons sont écrites de manière à ce qu'en fait j'ai Ableton, j'ai un ordinateur sur scène avec un pad et je lance des voix, etc. Ce qui fait qu'il y a pas mal de chansons qui ne laissent pas la place à l'improvisation. C'est-à-dire qu'il faut c'est vraiment ça très très. Ouais, voilà. Mais par exemple, au dernier concert que j'ai fait à Aubonne, à quel moment? C'était en mai dernier, le 26 okay. mai dernier. J'ai fait une reprise de Summertime avec un contrebassiste Jean-Michel Charbonnel, qui lui est complètement jazz, c'est un très grand contrebassiste de jazz. Et donc ce qui fait qu'on sait que d'une fois à l'autre, il se passe des choses, ça va être différent. C'est merveilleux pour ça, l'improvisation. Voilà. Et c'est un exercice, c'est pas un exercice, en tout cas c'est une expérience que j'aime beaucoup. Est-ce que tu es le genre à enregistrer tes concerts et les réécouter ou jamais? Quand même, j'aime bien avoir un peu, après de là le faire de manière obsessionnelle, pas forcément, mais oui, et puis surtout j'aime bien avoir des retours de proches, de gens que je connais bien, et puis d'avoir leur point de vue, et justement si je sens qu'il y a un truc dont je ne m'étais pas vraiment rendu compte, ou là je serais intéressée de voir et d'analyser un peu plus loin, enfin voilà, ça va dépendre. As-tu remarqué avec les années s'il y avait des gens qui venaient et revenaient te voir, genre bien. Du public intéressé par ce que tu vois? Ça se fait peu à peu. Ça se fait peu à peu. J'ai encore à y travailler, je pense que là c'est pareil, ça fait partie de mon processus. Mon processus, exactement. Est-ce que c'est touchant lorsque les gens viennent te voir après le spectacle ou que tu les rencontres comme ça et puis on te dit à la chanson que tu as chantée ou que j'ai écoutée, elle racontait très bien ma vie. Pour moi, ça c'est fou. c'est fou. Est-ce que ça arrive souvent? C'est arrivé, il y a quelques chansons comme ça. Ouais, c'est arrivé. Par exemple, il y a une chanson que j'ai pas chantée depuis assez longtemps au concert d'ailleurs, qui s'appelle Prière, qui est dans le premier EP qui est disponible sur le net. Et dans cette chanson, je commence, en gros, le premier mot c'est « J'aimerais prier en moi pour l'enfant de nature qui peine à se connaître ». Et donc là, ça, c'est quelque chose de très ludique, c'est écrit sur un riff très très simple de basse, et c'est un peu inspiré de musique, j'ai eu l'impression, un peu de musique malienne. Il y a un côté un peu naïf et un peu, qui est assez différent de l'atteinte de d'autres chansons que je peux écrire. Et je l'ai chanté, et en fait, il y a une dame qui était bouleversée par la chanson, alors que vraiment... Tu la voyais qui pleurait? Oui, parce que ça racontait des choses de son histoire, là pour le coup, difficile, quoi. Et en même temps, j'ai l'impression que la chanson lui a permis d'évacuer quelque chose, quoi, en fait. Donc, c'était... Et toi, comment tu te sens là-dedans quand tu la vois pleurer? Tu la regardes pas trop? Bah, c'est là que la chanson nous appartient plus. Alors, ouais. C'est comme... C'est-à-dire que... De toute façon, la musique, c'est une manière de... c'est une sorte d'exutoire. Donc, de toute façon, moi-même, hein, j'ai pas peur de pleurer, j'ai pas peur de... Enfin, on passe par des extrêmes. Ouais. Est-ce que tu... Avec les années, ça fait combien d'années que tu fais de la musique d'une manière professionnelle? Ça fait depuis assez longtemps. J'ai commencé avec la musique classique, en fait. Ouais. Et donc, je sais pas, ça va faire ma 12e année musique classique professionnelle. Deuxième année auteur-compositeur-interprète. Ta formation classique, est-ce qu'elle te freine ou au contraire, tu peux rendre plus loin certaines musiques à cause de ta... Bah, c'est-à-dire que c'est ça fait partie de moi, donc oui, c'est clair. C'est mon mot d'ordre, quoi. C'est vraiment mon sacerdoce, je sais pas, mais c'est-à-dire que c'est comme le monde, c'est-à-dire que le monde, il a des cultures différentes, il a des frontières, etc. Mais au bout du compte, il y a l'humain, des humains qui se rencontrent, qui parfois veulent pas se rencontrer, qui sont pas intéressés ou qui ont peur d'aller rencontrer, etc. Et dans la musique, c'est la même chose, c'est-à-dire que la musique classique représente, voilà. Puis il y a tout un aspect aussi qui peut être... Élitiste un peu. Ouais, qui peut être sociologiquement très, très déterminé, alors qu'en fait non, en fait c'est de la musique et on va voir Carmen et on est bouleversé. On a peut-être sacralisé ou embourgeoisé la musique classique. Ouais, c'est-à-dire que l'aspect sociologique a pris beaucoup d'importance. Et au final, c'est de la musique. C'est-à-dire que je, personnellement, c'est pour ça que j'aime beaucoup Flip Radio, par exemple, et toutes les radios qui font des mélanges comme ça, c'est que je peux écouter une Morgan, un lead de Strauss à tomber par terre de beauté. Et enchaîner sur une tonne de choses, mais sur une chanson de Björk, It's Not Up to You par exemple, que j'adore. Et voilà, et pour moi ça fait sens. C'est-à-dire qu'il y a un truc fondamental qui est exprimé, et c'est ça le noyau en fait. As-tu le goût quelquefois de placer des mots sur de la musique classique comme l'a fait Gainsbourg à quelques reprises? Je l'ai jamais fait. En revanche, je me suis inspirée. Par exemple, il y a une chanson aussi disponible en ligne qui s'appelle Les Chevaux Sauvages, qui d'ailleurs en général est aussi une chanson qui a fait beaucoup d'écho chez les gens qui l'ont entendue. Et cette chanson, en fait, elle fait penser à une gymnopédie, une gymnopédie de Satie. Et c'est clair que j'ai pensé à toute cette période de Satie, Debussy, etc. quand je l'ai écrite. Donc pareil, en toute humilité. Mais oui, évidemment, il y a des chansons qui sont chez le retard, d'autres pas du tout, hein, parce que je n'écoute pas que du classique et je ne m'inspire pas du tout que de ça. Mais oui! As-tu un peu le goût, comme William Schellard, d'appeler du classique à travers les mots? C'est-à-dire? Ben, William Schaller qui fait des fois des orchestrations exceptionnelles, mais sur des mots francophones. Oui. Donc, ça donne une fresque sonore. Est-ce que tu essaies de recréer ça? Pour l'instant, je suis vraiment d'une couleur très intimiste au final avec les chansons. C'est très dépouillé parce qu'il y a une contrebasse ou basse, une percussion, une batterie et la voix. Donc, pour l'instant, je n'ai pas été dans ces arrangements-là. Mais pareil, mais ça, ce sera un travail avec un arrangeur pour le coup, parce que je suis pas, j'ai pas appris l'écriture orchestrale. Pareil, si j'avais le temps, j'adorerais apprendre, mais bon, il faut savoir déléguer les choses. Et ça, oui, pour certaines chansons, ça va être intéressant. Est-ce que c'est compliqué d'écrire après plusieurs chansons que tu as composées, de reprendre le crayon sans vouloir faire du radotage, entre guillemets, ou réaliser certains... Ben, c'est là que, une fois de plus, pour que ce soit connecté, c'est sûr que... Chers amis,